Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Zaba'ih Ahl al-Kitab. Aïe, la viande des gens du livre à la lumière du Coran et de la Sunna. Et on va appuyer bi'idnillah avec la parole des savants de la Umma. Allah subhanahu wa ta'ala al-i'ana wa tawfiq wa sadad. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نكمل هذه الكلمة إن شاء الله تعالى. وقد وصلنا إلى القسم الثالث أي من لحوم أهل الكتاب. القسم الأول تقدم معنا أنه إذا علم أن هذا اللحم ذبح على الطريقة الشرعية فهو حلال بالإجماع. ثم القسم الثاني أنه ما علم من هذه اللحوم أنه ذبحت على غير الطريقة الشرعية فهو حرام. ثم القسم الثالث الذي نحن في صدده الآن ما جهل حاله فلا يعلم على أي صفة حصلت تذكيته أي ذبح هذا اللحم. نعم أنا بسيتي كلام شيخ الفوزان حفظه الله إلى إكسبيكي أن بعض البلدان إذا مونتخي هولندا والدنمارك البيبا والدنمارك إذا مونتخي كذلك الإتازوني أنهم يذبحون une tariqa غير شرعية. Et on s'était arrêté à هذا الإشكال أنه قد يقول قائل أن هذا الكتاب أي البحث هذا مضى عليه زمان فقد تغير الحال. On a répondu أولا أنه تغير الحال يحتاج إلى دليل لأنه وقع على الأصل طريقة المعروفة عندهم. Enfin, celui qui nous prouve le contraire, il le prouve avec des arguments, avec des preuves. Comme a dit le Bouza. Et on s'est arrêté là. Qala alladhi balagana. Ou alladhi n'am yablughuna al-ab. Anhum aswa mimma dhukir. N'am, c'est pire qu'avant, y'a dit le Bouza. Qala fa ma zada l'amr ba'da dhalik illa su'an. فلا مجال لهذا الاحتمال. نعم اولا هذا الاحتمال يحتاج الى دليل. Et deuxièmement, je vous en montre que la situation elle est pire comme il va le démontrer. فلا حاجة لهذا الاحتمال. نعم بعض الناس il peut citer من هذا الاحتمال pour s'écarter des preuves. لا prends les preuves elles sont واضحة واستريح. فهذا الاحتمال il est pas صحيح. وما يدريك si nous dit نحن ça c'est avant ça a changé on lui dit ما يدريك qui c'est qui t'a informé que ça a changé. لا سيستطيع يجيب أبدا. قال ومما يدل أو ومما يدلك أي على أن الأمر إلى أسوأ إلى بير الآن. قال ما نشرت مجلة المجتمع الكويتية الجورنال الكويتي إلى رابورتي. قال من بيان أرسله إليها مبعوث رابطة العالم الإسلام للبرازيل. الشيخ الفوزان il va citer un autre exemple. Un journal coétien il a montré ils ont publié un article أن au Brésil un musulman il a fait des recherches هناك et الآن on va lire ماذا قال. قال أي هذا المسلم ال كما قال في قبل ذلك قال نعم من بيان أرسله إليها مبعوث رابطة العالم الإسلام. نعم هذا الرجل إلى مبعوث من هذه الجهة. قال أصبحت في البرازيل من فترة يسيرة أي وقت قليل إلى تبرزين أن تو يعني إن جغي ديترميني. قال ووجدت الفرصة لبعض أبحاث فيما يتعلق بموضوع الذبح وطريقته. Il en a profité pour faire des recherches au Brésil, vu que c'est un pays, il exporte beaucoup, khassatan ad-dajaj, et il prétend que c'est halal, il en a profité pour faire ses recherches. قال ذلك الذي كان يأخذ كثيرا من المناقشات فيه الأقوال والآراء إلى اليوم. إلى اليوم الناس تسأل كثرت فيها الأقوال والآراء. فهو il a décidé de vérifier lui-même. Mais il y a beaucoup de rumeurs. قال فزرت بعض المذابح الخاصة بالأبقار وأخرى بالأغنام. كذلك قال وثالثة في الدواجن أي الدجاج. وقطعت الشك باليقين في موضوع طال فيه الكلام والسؤال. فهو يدي الآن إلى بيوت سي بروبروز يو ولله الحمد إلى بلود دوت. فايبا راكونتي سكي لا. قال هذا الكلام ونادي من كلام إلى دار رسالة الشيخ الفوزان. هذا الآن الشيخ الفوزان يغبط هذا الكلام حفظه الله. قال حيث ألفيتها بعين المشاهدة عبارة عن ضربات. الآن التيموان سكي لا بي أي لا فاسون de tuer ces bêtes. قال عن ضربات تؤدي أولا على رأس الحيوان. نعم. قال في عنف عنيف تصرعه لساعته. فالتيموان الآن أنه ces bêtes sont assommées. Elles sont assommées بشدة عنف عنيف. يعني حتى voir c'est difficile. لأنه في شيء من التعذيب. قال بمرزبة ثقيلة من الحديد تنزل على المخ بين قرون الثوب. نعم. C'est comme une massue en fer ثقيلة et elle vient très vite بشدة على رأس الثوب. لا شك elle le tue. Entre ses cornes elle le tape et elle le tue. C'est ضربة على الشديدة تقتل. قال فترديه ميتا يتدلى لسانه من فمه ولا يحدث حراكا أي لا يتحرك. يتموان أن لطغوا مع شدته. تعلمون أنها تغوا حتى بعد الذبح يبوجي. أما هذه من شدة الضربة يعني في المخ أو سيرفو يبوجي بل بل يبون لانغ خلاص إلى مور. هذه سي الطريقة هناك في البرازيل أو بريزيل. قال وبعد هذه الإماتة العاجلة بطريق الوقض يتناولونه بالسلخ حتى يخرج لحما. Très rapidement, c'est une entreprise, il lui enlève la peau. Il lui enlève la peau, il le coupe, il le met en paquet. Mubashara, ça va très vite. هذا avec, تعلمون, le sang il reste. ربما, comme il nous a informé sur l'Albani, رحمه الله, dans le calam qu'on avait lu, ربما, هذا c'est maqsoud, ولا شك. Avec le sang, on avait dit, la bête elle a plus de poids qu'une bête qui a plus de sang. فلا شك أن هذا c'est maqsoud. قال حتى يخرج لحما يوزع إلى المتاجر للبيع. هذا سلوك طريقة هناك. ثم il est distribué dans des magasins et le vend. هذا ما يتعلق بالثيران أي لتغو. قال بقيت لتغو ما في بابه لغوز بيت. قال بقيت اللمحة الخاصة وهامة في موضوع الدجاج بالذات وهي جديرة بالوقوف عندها حيث تستورد بعض بلاد الإسلامية مثل الكويت والسعودية كثيرا من دجاج البرازيل. الآن هو يبقى sur لحم الدجاج لأنكم إلى دي الكويت العربية السعودية كثير من بلدان الإسلامية يشتري الدجاج البولي من البرازيل. البرازيل يستورد في هذه البلدان المسلمة. Il prétendent que c'est halal. فهو الآن il a vu comment ils abattent ces dajjaj. قال قبل ذلك ويلجأ المصدرون هنا بالبرازيل إلى بعض رؤساء الجمعيات الإسلامية يطلبون منهم شهادات بأن طريقة ذبحهم إسلامية وشرعية. شوف ça montre أن المقصود سلمان. هؤلاء au Brésil ils rapportent أنهم font tout pour avoir une tasgia, une jam'iyya هناك des musulmans Maintenant, ils leur font une tazkiya. Comme on a les hlou en France. Kadir, maintenant, il y a un tampon et c'est approuvé par la mosquée Foulad. Ah, ils font ça. Hatta, les personnes, ils ont confiance. Lakin, chouf, Hadal-An, il a vu de ses yeux, il va rapporter. Kadiakul Kail, mais pourquoi cette jam'iyya, elle a fait, elle a donné son accord. Les jam'iyya, ils suivent les dollars. Fakat. Kala. قال وهؤلاء مساكين ليس لديهم دراسة ولا دراية في الواجبات والفروض العينية فضلا عن المسائل الخاصة والدقيقة ولكنهم يجدرئون على إعطاء هذه التصريحات مقابل ما نعم ما يتقاصون من الأموال أو ما يتقاضون من الأموال نعم يدي السم أنجو لا شك أن استجمعية سيلمس نون سنتنبو فألغا une certaine somme. Allez, à la barre de Nas, Wallah al-Musta'an, il se laisse aller. Kadalik, comme a dit l'Aq, c'est des Juhal. Des Juhal, Kadalik. Ma yadri, Houa. Ma yadri. Amma, nahnou, on fait passer l'ilm. Amma, mujarrad un tampon et on a des preuves que la viande n'est pas halal. Fala chakana, les Adela, ils passent avant ce tampon. Avant, c'est certifié par la mosquée de un tel ou un tel. Là, si on a des preuves que c'est pas à la tariqat islamia, ou alors ils mettent les tampons qu'ils veulent. Ça ne fera pas de la bête, elle est halal. Ce qui rend la bête halal, c'est qu'elle est égorgée, sacrifiée à la tariqat islamiyya. Ce n'est pas un tampon. Abadan. Qala, waqad iktashaftu hadha, waqad iktashaftu khilal jawlati. وقد اكتشفت خلال جولة هذه الطريقة التي كانت تعتبر في نظرها شرعية إسلامية. الآن هو il est parti vérifier. Ces soi-disant poulets qui viennent du Brésil et qui sont authentifiés par cette jam'iyya certifiée halal, il est parti vérifier. قال وهي في الحقيقة تخالف الإسلام. كل المخالفة حيث يدخل. الآن il explique que ces poulets qui viennent de cette entreprise, فأبدا ils sont à la طريقة الإسلامية. C'est quoi la tariqa? قال حيث يدخل مقص أي مقراب أي comme un ciseau, comme une pince. قال مقوس من داخل فم الدجاجة. شو على الطريقة؟ أي ils ont une méthode هنا. Un homme, ils font rentrer comme un ciseau, comme une pince dans la bouche de la bête, du poulet. Sa bouche elle est hakada, il lui rentre hakada. قال وعند أسفل الرأس من داخل الحلق. نعم فهم يغوط هكذا الآن يفوت توتفون ساقو سوف يغيبه هنا دغية. قال يقص عظم الرقبة بما في ذلك العمود الفقري ستسيزو يكوب par دغية العمود الفقري سي لا كولون إلا كوب. الآن سي با سا طريقة الشرع. Abedan, un taureau, si tu lui coupes que la colonne vertébrale, ça ne fait pas de lui une zabiha, yani mashrou'a, halal. Abedan, on a dit, il faut égorger, il faut couper les artères, le sang il sort. Qala, ka'annana tamaman qata'na 'unq ad-dajaja min al-khalf. Il dit, c'est comme si on lui dégorgeait par devant, le poulet, la gorge, c'est comme si tu l'égorgeais par derrière, avec la nuque. هذا سبا سا طريقة الشرع طريقة الشرع سي لا غورج. قال ثم نعم نختصر. قال ولقد تناولت بنفسي عدة رقاب لهذه الطريقة من الدجاج وشرحتها في رفق كأنه في رفق نعم بالسكين فوجدت أن قال فوجدت أن الوجين فتح الوجين نعم فتح الواو ثم دال ثم جيم الوجين. قال وقصبتي الطعام والتنفس باقية سليمة كما هي لم يصبها خدش. هو الآن il a pris des dajjal, il a vérifié, il a ouvert avec un sikin, il a regardé أن les artères qui doivent être coupées, elles étaient intactes. Le poulet, il a été coupé par derrière. Allah alam pourquoi ils emploient cette tariqa. Mais la question qu'on se pose, est-ce que c'est une tariqa shar'iyya? Abadan. Abadan. Qala wa annani abra'a ay ila Allah. Qala wa annani abra'a للذمة أمام الله سبحانه وتعالى ثم تكلم أي إلى صوت المونياج إلى دي الآن هو il est bari indallah. Il a témoigné. Hakada al muslim. Ils vont char, il a témoigné. Ceux qui l'écoutent, ils en profitent, alhamdoulilah. Ceux qui ne l'écoutent pas, enfin, au moins lui, il a témoigné de ce qu'il a vu. Cheikh al-Fawzan, il a rapporté هذا الكلام المهم. فالآن هذا الكلام الآن سنه حجة. Les ulama, Cheikh al-Fawzan, ils l'ont accepté, ils l'ont mis dans leur livre. On n'a pas le droit de fermer les yeux, nous, dans ce cas. On a plusieurs pays, on a le Danemark, on a les Pays-Bas, on a les États-Unis, on a le Brésil. Ta'ammal, on a tous les continents, taqriban. On a l'Europe, le Danemark et les Pays-Bas, on a les États-Unis, l'Amérique du Nord, on a le Brésil, l'Amérique du Sud. Chaque année, la tariqa est واحدة. Ça c'est mon genre des exemples. Amma les autres pays, ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Fahada Cheikh al-Fawzan, il va conclure. Qala Cheikh al-Allama Salih al-Fawzan, hafidhahullah wa huwa wadih sarih. Aïe ce kalam qu'il a cité, il a dit, il est clair. Qala fi anna tariqa lam tataghayyar an dhi qabl. Lianna ce journal koweïtien, ce qu'il a publié, c'est bien après la recherche de l'Égyptien qu'on a lu tout à l'heure. C'est bien après. Cheikh al-Fawzan, il a montré un décalage de temps, et c'est la même chose. Et l'an, si tu viens chercher aujourd'hui, Obama, c'est la même chose au pire. Aujourd'hui, l'an, ils ont trouvé un on lui que c'est du bœuf, c'est du cheval. Qu'est-ce que tu veux de pire? À Mahouna, ils n'ont jamais menti à cette époque. Maintenant, ils ont dit c'est du poulet et tu trouves un lapin, de la viande de lapin. Là, ils montaient pardon sur la façon. L'an, ils ont atteint un niveau. Aujourd'hui, ils te montent même sur la viande. Mais balouk la façon d'attuer. Ils te vendent du bœuf et en vérité c'est du cheval. Ah, on laisse pas des personnes de confiance. Ah ben donne. Qala wa hiya shahadatu mimman ra'a bi'aynihi tilka at-tariqa. Cheikh al-Fawzan il a pu le kalam. Il dit ce frère là, il a vu avec ses yeux. Enfin, on prend son kalam. Qala wa ma ra'in kaman sami'a. Na'am, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, ليس الخبر كالمعاينة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, ليس الخبر كالمعاينة. Celui qui a vu une chose de ses yeux, c'est pas comme une personne qui est informée. Là, dans cette information, on peut rajouter, on peut enlever. Amma hada, il a vu de ses yeux. فليس من رأى كمن سمع. قال فهذه التقارير تعطي صورة واضحة واضحة للكيفية التي تجري عليها الذبح في بعض الدول المصدرة للحوم. وأقل ما تفيد هذه الصورة عدم الثقة ببقية مصدري تلك اللحوم. شيخ الفوزان الآن يتمنى أن هناك بيئة كلير. Ils ont admis les États-Unis, les États-Unis, les Pays-Bas, le Danemark et le Brésil. Cheikh Fawzan dit Haoula, c'est clair, ils ont témoigné d'eux-mêmes ce qu'ils font. Cheikh Fawzan dit l'an, à l'aqal, les autres pays, on a un doute. Ça, c'est à l'aqal. Si c'est pas la même chose. Si c'est pas la même chose. À l'aqal, Wahed, il peut nous dire vous n'avez pas cité la France. Et au minimum, ça va te mettre un doute, Haoula. Au minimum. Mais le kalam, il n'est pas fini. Qala lima yaghlub ala dhann. أن هذه هي الطريقة المتبعة عند الجميع. هذا كلام شيخ الفوزان. يدي ويغلب على الظن. On a des doutes, c'est plus que des doutes. On est presque sûr أن cette طريقة elle est عند الجميع. Les pays européens, les pays d'Amérique du Nord, les pays d'Amérique latine, l'Australie كذلك. هذا c'est الظن il est غالب. قال قد تكون هذه الصفة أي ما تقدم من طرق القتل عامة وقد تكون غالبة. نعم شتو طريقة الآن elle peut être partout ou elle peut être في الغالب. على كل حال أنت en tant que مسلم tu peux pas te permettre de manger ces viandes الآن. لأن qui sait qui va te dire ou est-ce que tu as une preuve de anna ce lahm que tu as mangé il a été gorgé à la tariqa islamia. Tu n'as pas de preuve الآن, tu as un doute. Belle, tu as des preuves anna beaucoup de pays et ils ont des méthodes qui ne sont pas mashrou'a. Allah achète tout ça. Ça doit te pousser à avoir des doutes. Et c'est ça, nous, le but. Le but, nous, c'est de montrer qu'il y a des doutes. Et préserve ton dîme. Naam. Hada kulluh l'an fi l'kayfiyya faqat. L'kayfiyya. Il dit bismillah ou il dit pas bismillah. L'kayfiyya tukhalif al-shara. فما بالك الآن si on vient détailler التسمية est-ce qu'ils disent bismillah ام لا الآن الطريقة نحن البحث dans deux parties الطريقة est-ce qu'ils égorgent ام لا الآن est-ce qu'ils disent bismillah ام لا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم نعم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فلا يجوز de manger une bête لم يذكر أو لم يذكر صاحبها أي الذابح اسم الله لا يجوز. لا بلوى هنا نص من القرآن. Et on avait expliqué, nahnu, et on répète كلام شيخ الإسلام قال قيل تجب مطلقا أي التسمية يقول أن الواجب مطلقا قال فلا تؤكل الذبيحة بدونها وما بخص هذا القول صحيح قال سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد أحمد إلى دو رواية الإمام أحمد إلى أن رواية أن celui qui oublie de dire بسم الله لا بيت لحرام مطلقا on n'a pas le droit de la manger il oublie ou il fait exprès il a une autre رواية أن celui qui oublie tu peux la manger شيخ الإسلام الآن يرجح la deuxième أو يرجح celle qui dit que c'est wajib التسمية مطلقا s'il oublie ou il le fait volontairement il dit pas bismillah on n'a pas le droit de la manger ça c'est tarjih شيخ الإسلام c'est l'أقرب إن شاء الله تعالى اختارها أبو الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف شيخ الإسلام يرapporte أن قول c'est قول غير واحد من السلف c'est قول de plus d'un سلف il est appuyé par le délit في الحقيقة ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه il est appuyé par le délit واضح قال وهذا أظهر الأقوال comme on a dit الآية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه واضح هذا قال فإن الكتاب والسنة قد علقت الحل بذكر اسم الله في غير ما موضع هنا سيت لآية سورة الأنعام فالآن الحل أي اسكو لابيت لي بيرميس سي بور رابور على التسمية كذلك سي بور رابور على التسمية سي إلا دي بسم الله et bien sûr il l'a égorgé selon l'origine islamique elle est halal si il ne dit pas bismillah fa la shak anha la haram هذا الكلام si c'est un musulman et si il oublie ma balouk un kafir kitabi yahoudi ou nasrani il ne l'a dit pas volontairement mais ma balouk anha la tajouz akluha mas'ala mut'alliqa bit tasmiya huna قد يقول قائل وبعض الإخوة سألوا عن هذا أنه لو سمى بغير اللغة العربية si c'est un pays comme la France les Pays-Bas les États-Unis il dit بسم الله بغير اللغة العربية قال الشيخ ابن عثيمين وإذا كان الإنسان لا يحسن البسملة باللغة العربية ويحسنها بلسانه فإنه يسمي بلسانه لا يضر قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها s'il peut pas il sait pas la dire en arabe il l'a dit avec sa langue la langue qui il peut la dire هذا لأن استبد الآن s'il a dit avec sa langue ذكرت أو ذكر اسم الله عليها عليه حلال لكن هؤلاء il la dit pas en arabe et il la dit pas كذلك avec leur langue هذا سي واضح قال وإذا كان أخرس لا ينطق أبدا فبالإشارة c'est une فائدة أنه si c'est une personne il est muet هذا بالإشارة il fait un signe أنه بسم الله ويذبح هذا c'est pour الأخرس le muet on a cité tout ça نحن pour montrer أن على الأقل الآن على الأقل ça c'est le minimum أننا on a des doutes في هذه اللحوم. الآن on a des doutes. On a une certitude أن certains pays ils tuent les bêtes على غير الطريقة الشرعية et on a غلبة الظن pour les autres. أنهم الغالب c'est qu'ils vont faire comme nous. Et en général ils ont les mêmes méthodes. En général. Les industries c'est les mêmes méthodes. Que ce soit automobile, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans plein de choses, en général ils ont les mêmes méthodes. Ça se ressemble. À peu près, ça va être la même chose. Ça nous pousse à avoir des doutes. كذلك, on a des doutes à Tasmiya. Des doutes à Tasmiya qui disent Bismillah. بعض المسلمين, ils ont un naqs في هذا. فما بالك هؤلاء. الآن, نقرأ كلام أهل العلم. On a dans cette situation, أيها المسلم. الآن, on arrive à un stade, نحن de notre recherche, أن على الأقل, on a des doutes. Avec des choses claires. Il y a des choses claires que c'est haram. Lakin, nous, on parle dans tous les cas, pour parler de tous les pays de Ahlul Kitab en général, on a un gros doute. Al-An, Ahlul Ilm, ils ont des kalams via là. Al-An, Ahadi Sharia, il y a des qawa'id, des règles. Si tu es face à des doutes, tu dois avoir un comportement, ayyuhal muslim. Al-An, kalam Ahlul Ilm, qala al-Sheikh Abdullah. ابن حمي رحمه الله. أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل البلاد أو أهل البلد التي وردت منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقة الشرعية أو بغيرها، ولم يعلم حالة المذكين وجهل الأمر. الآن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يلومتخن الآن ستان دوت كم نو الآن نغدوت. قال فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر عادتهم في الذبح. شيخ عبد الله رحمه الله يديه أكن دوت آل حرام لأن تسيبا، مع أن لغشيخ نحن كنا في ذا الشيخ الفوزة حفظه الله دون صوليه والأطعمة أنه يدي بخوف كلير أنه يخالف طريقة الطريقة الإسلامية، لكن هذا نحن نتسيون دوت كومن فسيكم حرام. قال تغليبا لجانب الحذر، لا في هذا تغليبا جانب الحذر صلى الله عليه غير ذا الشيخ الإسلام أنه ستا دو شوز مبيح فإن شوز إتا دو دليل مبيح محرم. مثلا طعام اهل الكتاب الى مباح ايه لا بتمخت المحرم تشوفي باسي لو تحريم اول مباح تشوفي باسي لو تحريم اول مباح لماذا حتى تتكارد دوت. قال سواء كان في الذبائح او الصيد ومثله النكاح، نعم النكاح من هذا الباب. قال كما قرره اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم من الحنابلة. قال وكذلك الحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهم كثير، نعم كثير من العلماء يتمونخ أن الستة دي دوت سر ان شوز تتكار تفي بانشي بلس لحرام ك سكي تطغيس ست شوز. لماذا؟ pour préserver ton دين. الآن إذا سيت الدليل، لأن توس كلام الآن قد يقول قائل ما الدليل. الآن الشيخ عبد الله رحمه الله إذا سيت دليل قوي جدا، قال مستدلين بما في الصحيحين وغيرهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. أساس قاعدة في الدين، سحديث ستفنين غيقل في الدين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفرمي أن السيت أنشين تشاس كلب معلم شلون فوا شلون لاش تجي بسم الله إلى أتخاب إن تخوا أنوازو مثلا si tu as dit bismillah il est halal. Il y en a le chien dans cette situation il est bimanzilat adh-dhabh. Tu dis bismillah, tu l'envoies, il l'a attrapé, il te l'emmène, il est halal. Il y en a ton kalb de muallam, c'est un shart hada, كذلك toi tu as dit bismillah. الان النبي صلى الله عليه وسلم il te dit tu as envoyé ton chien مثلا. Il a attrapé la proie. Ou plutôt tu l'as envoyé. Demain tu vas Matalan, c'est 100 mètres plus loin. T'arrives sur le lieu, tu trouves deux chiens. Le tien, Muallam, t'as dit bismillah, et un autre. Un autre, ma tadri d'où il vient. Fa, fi hada al-hal, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال si tu trouves un autre chien en présence du tien t'as pas le droit de manger. لماذا؟ لأن tu sais pas c'est quel chien qui a attrapé la proie. ربما ils sont les deux à côté la proie elle est morte أنت les deux chiens ما تدري c'est lequel qui a chopé qui a attrapé. أنت t'as dit bismillah sur le tien t'as pas dit bismillah sur l'autre. ففي هذا الحال le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré pour préserver ton din, tu délaisses. Al-An, c'est exactement la mas'ala qu'on a fait à Hadil Lukum. Al-An, on ne sait pas, nous, s'il a dit Bismillah ou pas. Fiat al-Han, délaisse. Préserve ton din. Préserve ton din. On a un nus min al-Nabi, alayhi salatu wassalam. Qala al-Sheikh ibn Humayt, faqad ijtama'a fi hada al-Sayyid mubih, wa huwa irsal al-Kalb. Ta'amma la règle, Al-An, qu'ils ont déduit de ce hadith. Al-An, dans cette situation, on a une chose qui est autorisée. C'est quoi? C'est que ce chasseur, il a envoyé son chien. Et il a dit bismillah. Ça, c'est mubah. Là, il a appliqué ce qu'il va appliquer. Qala, وغير مبيح وهو اشتراك الكلب المعلم الآخر. Une deuxième chose qui est pas licite ou qui t'autorise pas à manger cette bête, c'est le deuxième chien. T'as l'un d'une situation, il y a deux chiens, le tien, t'as dit bismillah et l'autre. Fi hadha al-hal, tu dois faire passer yani at-tahrim avant. Pourquoi? Pour t'écarter des doutes. Mathalan, si tu manges pas, ala kulli hal, t'as pas fait de haram. Qad yaqul qa'il, mais peut-être que c'est le chien qu'on a envoyé, qu'on a dit bismillah, qui l'a attrapé, sahih, peut-être. Lakin, si je mange pas, est-ce que je fais une ma'asiyah? J'ai pas fait de ma'asiyah. Je patiente et je chasse une autre bête ou j'achète de la viande et je mange. J'ai préservé mon dîn. Lakin, si tu manges, peut-être que Yom Kiyama, tu te rendras compte que c'est l'autre chien qui a attrapé, qui a attrapé la proie. Enfin, t'auras mangé du haram. Enfin, pour préserver ton dîn, tu t'écartes des deux. Hakada nahnou avec ses luhoum. Hakada. On a un doute? Est-ce qu'ils disent bismillah? Amla. Est-ce qu'ils égorgent? Amla. On applique ce hadith, la règle qu'ils ont déduit à Ahl al-Ilm, on fait passer al-Hadar avant l'ibaha. Et on dit, on s'écarte des deux. Voilà, c'est ça, tariqat al-Salam. Qala. Al-Hadith, il est muttafaqun alayhi. Qala. لهذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكله وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إذا أصبت أو إذا أصبت سهمك إذا أصبت بسهم قال إذا أصبت بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل متفق عليه دوزيام حديث كذلك سين غيغ في الإسلام سي لو ميم كو لو بروميير ان شاسور il chasse maintenant l'arc, il chasse à l'arc une proie, il la touche, elle tombe. Lakin, elle tombe dans l'eau. Il vient pour la récupérer, il trouve la bête dans l'eau, maintenant un oiseau, il le retire de l'eau, il est mort. Al-An, il ne sait pas si c'est sa flèche qui a tué ou le chien, il a été noyé. Cet oiseau, il a été noyé. Pourtant, lui, dès qu'il a tiré à l'arc, il a dit bismillah. Le fait de tirer à l'arc, c'est comme quand tu te bats. Al-An, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, fala ta'kul. Il y en a un doute, tu ne sais pas si cette bête, elle a été tuée par une flèche ou par l'eau, noyée. C'est la même règle. Les ulama, ils ont pris cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as une situation où tu as une chose qui est permise, une chose qui est interdite, tu penches vers l'interdit et tu délaisses. Hatta, tu t'écartes de. Exactement la mas'ala avec le hou. Hala, c'est un dalil qawi. Hala, c'est qawi la shak annahu c'est sahih. Annaka, tu t'écartes des doutes. Qala Cheikh Al-Albani rahimahullah. Al-An, on cite ba'd aqwal ahl al-'ilm fi hada. قال الشيخ الألباني رحمه الله وإما إلى ستر أقسام كنا ستر si elle a été sacrifiée en disant bismillah avec tariqa al-islamia c'est halal sinon c'est haram. ثم إلى ستر troisième cas on a des doutes. قال وإما لا ندري ولا نعلم ولا نعلم نعم عندنا شك هل ذبحت أو قتلت. الآن on a un doute. قال حين ذلك نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا كلام شغل البعض. C'est une autre règle dans le dîn. أن si t'as un doute, écarte-toi des doutes. Écarte-toi des doutes, tiens, أخي. C'est pour ça les ulama ils ont dit هذا c'est même في النكاح. مثلا, une femme, tu veux te marier, à l'asr, c'est halal, tu te maries avec la femme que tu veux. Lakin, il y a des conditions. C'est comme الذبيحة ذبيحة الأصل الكتاب الحلال لكن هذه كونديسيون فمثلا يفو باك ساسوا من المحارم فو باك ساسوا من المحارم فمثلا تان دوت اون سور tu veux te marier avec elle تان دوت on t'a dit elle a allaité avec toi aïe c'est ta soeur de lait elle a allaité vers une femme ta mère de lait c'est ta soeur de lait تان دوت واحد dit on nous a dit qu'elle avait allaité avec toi un autre rivière te dit là, elle n'a pas allaité. Un troisième, un quatrième, tu as des doutes. Écarte-toi, Akhi, va te marier avec une sœur où tu n'as pas de doute. Imad, Aliana, si tu te maries avec elle, 10 ans après, il y a des enfants, Thomas, on t'informe, un témoignage clair, c'est ta sœur de lait. Tu es obligé de divorcer, tu n'as pas le droit de rester avec ta sœur. Ah, l'ulama, il met des règles. Ça te préserve ton dîn. Ça te préserve ton dîn. Après, la personne, il fonce. Et il n'écoute pas. Et il va, Thomas, il tombe dans le haram. Ah, là, il regrette. Ah, là, il regrette. قال شيخ الألباني قال نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله من علماء السنة قال لما كثر الكلام الآن حول المجازر أي لبوشخي كما يتشوي كما Est-ce que c'est sacrifié à la tariqa islamia? Qala wa lamma kathura al-kalam al-an hawl al-madhabih fi al-kharij, ay en dehors de la mamlaka al-arabiya al-saoudiya. Cheikh Abdelaziz, un, il vise des pays de Kouf, le Brésil, les États-Unis, la France. Qala wa annaha tutba' bi tariqat al-sa'q al-kahraba'i, ay électrocution, comme on a montré. Qala aw al-khanq, elle est étouffée. Qala yanbaghi lil-insan an yahtat. Cheikh Abdelaziz, il conseille, dit yanbaghi, tu dois prendre tes précautions, écarte-toi. Si tu manges pas ce poulet, mine Faransa, mange un poulet, mine de ton bilad. Ou égorge-le toi-même, ou stérile. T'as pas besoin de te faire du mal dans ton din. T'as pas besoin. Tu fais du mal à toi, tu fais du mal à tes enfants. Là, Mbari, tu leur fais manger du haram, t'as des doutes. Akhi, stérile, et mange le halal. Qala. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Le même dalil que Cheikh Al-Alban. Qala fa yanbaghi lil insan an yahtat li dinihi wa la ya'khud ma dama kathura al kalam. Cheikh Abdelaziz dit, vu que l'an y a une polémique, sahih, si nous on vient parler avec cette personne, l'autre va dire un, il va dire halal, l'autre va dire haram, l'autre va dire on sait pas, vu qu'il y a beaucoup de kalam, on s'écarte. Nous maintenant on mange pas ces viandes, alhamdulillah, on a aucun problème. Troisième fatwa, Cheikh Al-Albani la première, Cheikh Abdelaziz Rajih la deuxième. Qala Cheikhuna Yahya وفقه الله هذه الذبائح المستورده من فرنسا. Ils ont posé la question à Cheikh sur الدجاج الفرنسي. تعلمون ان la France, ils exportent beaucoup de poulets à l'extérieur. بعض الناس disent que la France est un pays chrétien, اهل الكتاب, je mange. قال الشيخ يحيى قال هذه الذبائح المستورده من فرنسا وغيرها من بلاد الكفر سواء في ذلك الدجاج وغيره من الذبائح قد علم انها لم تتوفر فيها شروط صحه اكل الذبائح. شيخ عيدي on sait, علم, on a des preuves, on les a lu نحن كلام شيخ فوزان كثيرا, ان هؤلاء ils sacrifient pas les bêtes selon les rites islamiques ابدا. حقيقه يا pas de doute, c'est haram. لكن قال وتلك الذبائح ما تثير الشك والارتياب في حلها او حرمتها على الاقل. Comme Cheikh Yahya, il sait que certaines personnes ils vont dire non, mais. Enfin, Cheikh, il a dit au minimum, il y a des doutes. Ça, c'est le minimum. Même maintenant, les frères ou certaines personnes qui disent non, c'est halal et l'akhir, là, Cheikh est obligé, il a des doutes. Si on vient lui citer le kalam qu'on a lu, c'est obligatoire, il a des doutes. T'es un être humain. On te cite tout ça, là, Cheikh, tu vas avoir des doutes. Enfin, halal, akhir, personne ne peut le réunir, il y a des doutes. Faqala, Cheikh, hafidhahullah. وقد قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين. الحلال il est clair. مثلا ton frère مسلم il a égorgé. حلال clair, mange. وإن الحرام بين. مثلا un ملحد. C'est pas من الكتاب, un كافر. بالإجماع سذبيحة لحرام. حرام بين. وبينهما أمور مشتبهات. Entre les deux, il y a des شبهات. مثلا la viande des gens du livre في هذا الزمان. C'est une شبهة. Écarte-toi des doutes, يا أخي. قال أو انتهينا من فتوى الشيخ يحيى. وهناك كلام مهم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. تعلمون أن بعض الناس يستدلون ببعض فتاوى الشيخ العثيمين رحمه الله. Certaines personnes, ils citent des fatwas de Cheikh Ibn Uthaymeen, anna il a dit c'est permis, il a akhiré. C'est sahih, il l'a dit, hada, rahimahullah. Des fatwas, il dit c'est des gens d'Ahl al-Kitab, le asl c'est que c'est yajouz. Même, le asl c'est que c'est yajouz. Lakin, toutes les preuves qu'on a montrées, min kalam Cheikh Fawzan ou aghayrih, ça montre annahum idbah ba'a la tariqa al-islamiyya. Fa Cheikh Ibn Uthaymeen, dès qu'il dit l'asl c'est que c'est yajouz, tant que t'as pas vu le contraire. Amma si t'as vu le contraire, t'as des preuves, annahum la yadbahoun, mitla l'akh. Qui est parti au Brésil, il voit de ses yeux. Il ne peut pas dire c'est derrière le kitab, je mange. Là, il a vu que c'est haram. Il a vu que la tariqa n'est pas bonne. Fallait aller dans la cité Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Il y en a beaucoup de gens, ils s'en servent. قال شيخ ابن عثيمين قال وهذه اللحوم المستوردة من غير البلاد الإسلامية من دجاج وغيرها مما حل أكله أي من أهل الكتاب قال نرى فيها أنها جائزة Jaizatul akl. Cheikh Al-Adami l'a dit, c'est permis. Si ça vient d'Ahlul Kitab, tu manges. قال وأنه لا حرج من أكلها. يا أكمل دمجي. قال لكننا نظرا لكثرة الخوض فيها والقول والقيل أي القيل والقال. قال نرى أن نجتنبها أن نعم. قال نرى أن نجتنبها أولى وأن الإنسان يستغبي مما لا شبهة فيه عما فيه شبهة. هذا كلام شيخ ابن تيمية. شيخ ابن تيمية lui voit que c'est جائز. Lui pense plus que c'est يجوز. يجوز. لكن il a dit vu que l'un il y a beaucoup de كلام. Fulan il disait haram, Fulan il disait tout, Fulan il disait électrocute, Fulan. Enfin, Cheikh Ibn Uthaymeen il a dit il y a akhi, écarte-toi. Ah, le kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen. Enfin, dès qu'on cite kalam, on cite tout. Ah, bah, on a dit une fois que Cheikh Ibn Uthaymeen il a dit c'est halal, khalas. Il y a akhi, il y a des témoignages qu'ils ne sont pas mis dans le kitab, il y a des témoignages qu'ils ne sont pas mis dans le bismillah, il y a des témoignages qu'ils étouffent, qu'ils électrocutent. Tout ça, il dit là, Cheikh Ibn Uthaymeen il a dit يا أخي كلام العالم يستدل له لا يستدل به. Et là, on a une fête à Cheikh Ibn Uthaymeen, on a les doutes, écarte-toi. Enfin, si tu appliques vraiment Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, écarte-toi des doutes. Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, min fi fatawa nour ala d-darb. مسألة. الآن المسألة مهمة. تحتاج إلى شيء من من من البسط وهي أن بعض الناس لا يفهمون قاعدة الأصل الإباحة. Règle في الدين أن الأصل c'est الإباحة. أي مثلا dans l'أكل comme on va voir. مثلا dans la nourriture l'أصل c'est الإباحة. La base c'est que c'est permis. مثلا la base dans les boissons c'est que c'est permis. Sauf si on a un dalil qui nous montre que مثلا elle peut te rendre ivre. Ou il y a une impureté, une najasa. Ou elle peut te faire du mal à ton corps. أما الأصل سكسي مباح. فبعض الناس quand tu parles de cette masala اللحوم لحوم أهل الكتاب malgré tu lui démontres des choses il dit de toute façon le أصل سكسي permis. Le أصل سكسي permis لكن s'il y a des choses des arguments des preuves qui montrent que la bête elle est haram فالle est haram. الآن tout ce qu'on a montré nous ولله الحمد كلام أهل العلم لا شك أن الأصل إباحة لكن on a des preuves comme quoi il ne sacrifie pas à la tariqa al-islamiyya. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Ça c'est un délit. أن الأصل الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Allah il a créé pour nous tout ce qui est في الأرض. Ça montre que l'أصل est halal. Sauf ce qui nous a interdit عز وجل. فقوله ما في الأرض موصولة تفيد العموم. أي هو الذي خلق لكم الذي في الأرض ما الموصولة تفيد العموم أي تسكي في الأرض كذلك يتوكيد جميعا فهنا دو عموم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لا شك أن الأصل سالإباحة الأصل سالإباحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال إذا رمى صيدا فوقع في ماء فشك هل كان موته بالجرح أو الماء لم يأكله. On revient aux règles qu'on a citées auparavant. الأصل c'est الإباحة. C'est ça dans مثلاً on prend la volaille. الأصل c'est que c'est مباح. لكن الآن on a un دليل أن elle a été électrocutée. La شك elle sort من المباح إلى الحرام. لأن الناس une bête morte. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim il rapporte le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré si tu tires ta flèche tu dis bismillah et cette volaille, cet oiseau, il tombe dans l'eau. Un tata arrive, tu le vois dans l'eau, tu ne sais pas c'est quoi qui l'a tué. Ta flèche, tu as dit bismillah, ou elle a été noyée. Tu t'écartes. Ça, ça montre أن الأصل الإباحة sauf s'il y a une chose qui montre le contraire. كذلك, le hadith avec le kalb al-mu'allam. نعم, هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فالأصل في اللحوم الإباحة لكن إذا تبين أو تشككنا أو نشك عندنا الشك هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا on revient à la règle qui nous ont montré أهل العلم أن on fait passer l'interdiction avant la permission دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما الأصل الإباحة مثلا on saurait un pays مثلا il est connu أهل الكتاب ils appliquent leur dîme ils disent bismillah ils sont connus pour ça فالأصل الإباحة. مثلا il égorge, il nous vend un poulet, on l'achète, on le mange. لأن الأصل الإباحة. لكن الآن on te montre أن dans leur entreprise ils électrocutent, ils étouffent, ils disent pas Bismillah, ils croient même plus en leur dîn. Est-ce que c'est d'Ahl al-Kitab فيه نظر؟ Tout ça واحد vient et dit الأصل الإباحة. Ah, c'est pas un calam sahih هذا. خلاصة أن الأصل في اللحوم في الإباحة إذا توفرت الشروط. إذا توفرت الشروط الأصل الإباحة سي توفرت الشروط. واحد يمانش دو لا فيوند دو بور ينو دي الأصل الإباحة. On a un دليل que c'est interdit. فأنت si tu manges de la bête morte, on a un دليل que c'est interdit. C'est la même chose. هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله إلى مثال طيب. طيب جدا. Il va nous rapprocher de la salah. Qala, il répond à ceux qui disent anna luhum ahl al-kitab sont halal mutlaqan. Il a égorgé ou il a pas égorgé, il a dit bismillah ou pas, ils disent l'asl c'est que c'est halal wa ta'amu alladhina utul kitab hilun lakum. Il se sert de cette aya. Il dit la viande des gens du livre elle est halal pour nous. Halal itla. الإمام الشنقيطي قال هو جدير بالاستبعاد أي قول لبعيد. Pourquoi؟ قال فكما أن نساءهم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض فكذلك طعامهم. شوف على مثال إمام ثاني إمام في الأصول ثاني إمام في الفقه ثاني إمام في التفسير رحمه الله يتودي مثلا الله سبحانه وتعالى إنه أوتوريزي دو ماري افيك نساء أهل الكتاب سي حلال. Bien sûr, il y a des conditions. Lakin, à la qawl ha'oula, vu pour l'ahm, ils ont dit quoi? Ils ont dit Allah, il nous a autorisé la viande des gens du livre, à l'itlaq. À l'imam Shankiti, il leur dit c'est comme si tu dis, j'ai le droit de me marier avec une femme des gens du livre, et j'ai le droit d'avoir des rapports avec elle, même si elle a ses règles. L'an, on a un shank, c'est que tu as le droit de te marier avec une femme des gens du livre, tu as le droit d'avoir des rapports avec elle, si c'est ta femme. Lakin, si elle a ses règles, non. L'an, t'as un dalil. T'as un dalil, t'as pas le droit d'avoir des rapports avec une femme qui a ses règles. Hada, l'imam Jankiti te montre un assurumum, il est mokhassas avec Shay. Al-Luhum, c'est la même chose. T'as le droit de manger la viande des gens du livre, lakin, si t'as des preuves que c'est une bête morte, t'as pas le droit. Hada, c'est wadi. دفع آيات أو دفع إيهام الاضطراب من كتاب دفع إيهام الاضطراب للإمام الشنقيطي. ينوت شبهة ينوت شبهة. أنا بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أن قوما يزتنوبوا في الإسلام قوم يزتنوبوا في الإسلام يبنيت سورتير دو كفر ils ont envoyé de la viande Aisha radiyallahu anha. Aisha l'a dit au prophète ya Rasulallah man adri hal sammu amla, est-ce qu'ils disent bismillah amla. Le prophète sallam قال sammu fakulu sammu fakulu, dites bismillah et mangez. بعض الناس ils disent فنحن, si on a la viande des gens du livre on ne sait pas, on a des doutes, on dit bismillah et on mange. هذه c'est une شبهة. قال الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله إلى كلام طيب في هذه المسألة هنا déjà lu une partie. قال وليس في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما on l'a cité. قال وليس في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أي c'est pas une hujja ce hadith dans ce bab. لماذا أي الاستدلال il est pas bon. لماذا قال لأن الحديث فيه قوم مسلمون. أولا الحديث فيه قوم مسلمين. عائشة l'a dit ils étaient nouveaux dans l'islam, c'est des musulmans. C'est pas des kuffars, c'est des musulmans là. Premièrement, قال لأن الحديث فيه قوم مسلمين إلا أنهم حديث عهد بكفر بخلاف تلك اللحوم المستوردة من الخارج فإن الذابح لها ليس بمسلم ولا كتابي. Cheikh Abdullah ibn Humayd, il dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète leur a dit mangez, dites bismillah et mangez, al-an c'est des musulmans qu'ils ont égorgés. Lakin, Aisha, elle a dit je ne sais pas est-ce qu'ils ont dit bismillah amla. Le prophète lui a dit bismillah et mange. Al-an c'était frère musulman. Al-an, Abdullah ibn Humayd, il dit amma les viandes d'aujourd'hui, c'est pas un musulman et c'est pas un kitabi. C'est pas un kitabi, on va voir ce mas'ala là. Est-ce que c'est un kitabi amla? Ala kulli hal, الآن le hadith de Aisha il est fait le muslimin. Retiens ce point. Léana, on va répondre à nous en plusieurs points. Deuxième point, ce qu'il a cité Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et wa hadha al-jawab il est aqwa. Ce jawab il est qawi. Qala, ils lui ont posé la question, la viande qui vient de Bulgarie. Ils ont posé à Cheikh Al-Albani des viandes qui viennent de Bulgarie. Qala, et ils ont stadal avec ce dalil, ils ont montré, ils ont essayé de démontrer à Cheikh Al-Albani. Au pire des cas, on ne sait pas, on dit bismillah et on mange. Et ils lui ont cité hadith Aisha. Qala Cheikh Al-Albani, hadith ou Aisha, dites bismillah et mangez. حديث عائشة رضي الله عنها له علاقة بوجوب التسمية على الذبيحة وليس له علاقة بطريق ذبح الذبيحة. Ça, ça montre فهم أهل العلم. Cheikh Al-Albani, il te montre, et si tu médites en ta, أن حديث عائشة, c'était quoi le problème? Est-ce qu'ils ont dit bismillah ou pas? صح. Cheikh Al-Albani dit, الآن, nous, le problème qu'on a avec ces viandes, c'est pas qu'ils ont dit bismillah ou pas, c'est qu'ils les étouffent, ils les électrocutent, ils les noient. فلا شك الآن في حديث عائشة est-ce que la bête elle a été sacrifiée? نعم. Ça on a aucun doute qu'elle a été sacrifiée. Le problème est-ce qu'ils ont dit bismillah ام لا? Enfin le prophète il a dit bismillah. Anta tastafid min hadha مثلا on est dans un endroit. On est dans un endroit et un musulman il a égorgé, on sait pas s'il a dit bismillah. Enfin نحن on dit bismillah et on mange. Un frère il dit ouais, j'étais à côté de lui et je sais pas s'il a dit bismillah. Nous, on ne peut pas se renseigner. On dit bismillah et on mange. Il y en a l'asl, c'est que c'est un musulman, c'est qu'il l'a dit. Amma l'an, Cheikh Al-Albani, ces viandes qui viennent de Bulgarie, aslan, on ne sait même pas si elles ont été gorgées. Même si tu dis bismillah, toi, tu vas dire bismillah. Lakin, est-ce que c'est une bête morte que tu manges, amla? Allez, hadha, ce jawab, il est aqwa. Qala, rahimahullah, fa idhan, hadith Aisha, la yakoun, la yumkin. حديث عائشة نعم لا يمكن ربطه باللحم البلغاري مشكلته هو هل ذبحت هذه اللحوم ام قتلت نعم c'est pour ça que le hadith Aisha le fait de l'utiliser هنا pour montrer que la viande des gens du livre est halal c'est pas à sa place لان la viande des gens du livre نحن on a un doute et on sait qu'elle est pas égorgée selon les rites islamiques c'est pas que le bismillah que le basmala فقط لا il y a l'autre مساله كيفية الذبح وهذا c'est مهم كلام شغل الباني من سلسلة الهدى والنور. Troisième point, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. قال وليس في الحديث دليل على سقوط التسمية بالجهل ولا على أنها ليست بشرط لحل الذبيحة لأنه ليس فيه أنهم تركوا التسمية وإنما فيه أنهم لا يدرون أذكروا اسم الله عليه أم لا. Troisième point, si tu médites le hadith de Aïcha, Aïcha n'a pas dit, ils n'ont pas dit bismillah. Ah, ils ont oublié de dire. Là, elle a dit, c'est elle qui ne sait pas. Peut-être qu'ils ont dit bismillah. Enfin, s'ils ont dit bismillah, et ils ont égorgé à la tariqa shar'iyya, c'est des musulmans, il n'y a aucun problème. Enfin, le hadith de Aïcha, est-ce qu'ils ont dit bismillah là? Peut-être qu'ils l'ont dit. Peut-être qu'ils ne l'ont pas dit. Là, le huma al-kitab, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des musulmans. Est-ce que c'est des al-kitab fihi nadar? Est-ce qu'ils l'ont égorgé à la tariqa islamia fihi nadar? Est-ce qu'ils ont dit bismillah fihi nadar? Tout ça, ça te montre que tu ne peux pas argumenter avec le hadith de Aïcha dans cette mas'ala. Abadan. Abadan, comme ils nous ont montré, ha'oula, al-ulama al-fudala. Une autre mas'ala. Wahia. On a fait une ishara avant. Est-ce que ha'oula, ils sont min ahli al-kitab? Ta'lamoun anna l'an, que ce soit en France, aux États-Unis. Tous ces pays, c'est devenu des démocraties. Eux-mêmes, ils ont harib al-Nasara. La révolution qu'ils ont faite, ils ont combattu l'Église. Ils ont harbu al-Adiyan. Ils ont combattu les chrétiens. Hatta, ils ont remplacé par la laïcité la démocratie. Enfin, est-ce que l'an, tu peux dire que c'est des ahl al-Kitab? Les ahl al-Kitabi, c'est quoi? Ils prétendent suivre les préceptes de la Torah ou de l'Évangile. C'est ça, Kitab. أما الآن بعض هؤلاء سدي ملحد 100% إلى غيان أفضل ذلك أهل الكتاب أبدا بعضهم الآن كثير منهم من تلو بعض عيسى عليه السلام يكوى من بعض عيسى يكوى بعض الله فالفت دفع عموم سدي أهل الكتاب صافي نظر هذا البوان إلى أبوي أنكور سكونا دي قد يقول قائل si moi je pense que c'est dans les kitab on va se retrouver la même chose on a des doutes écarte-toi des doutes mange pas leur viande قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله قال هذه الدول أي il parle الآن des pays européens, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, aïe, ce qu'ils se prétendent à Ahlul Kitab. قال هذه الدول في الوقت الحاضر قد نبذت الأديان وخرجت عليها وكون الشخص يهوديا أو نصرانيا هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين. نعم يتدي أن سدول إذا كومبات في الإجليز eux-mêmes, ils combattent l'église, ils combattent le dîne en général. Il y en a, c'est des athées. C'est des athées. Même en France, l'Inde. En France, l'Inde, c'est un pays qui tabi, comme certains disent. Ils combattent le dîne. Ils ont instauré la démocratie. Hatta le gouvernement, l'Inde, c'est des quoi? C'est des socialistes. Socialistes, il n'y a pas de dîne pour eux. Ishtarakiya. Mulhid. Comme les Chinois, les communistes. C'est la même chose. Min aïn lahum hada. Hada, le fait de dire, anna umouman zada ala al-kitab, fihi nadar. قال أما ثم il nous a montré أن اليهود والنصراني c'est celui qui suit son dîne il est باطل لكن il le suit on va dire c'est un يهودي مثلا بعض اليهود ils suivent leur dîne on dit tu vas pas dire c'est pas un juif tu dis c'est un juif enfin lui s'il égorge comme il faut il dit bismillah on mange sa ذبيحة أما كثير هؤلاء الآن qui sont en Europe en Amérique du Nord en Amérique du Sud ils ont plus de dîne tu lui dis t'es un chrétien lui-même il te dit là je ne suis pas trop un dit un kitab. Il lui-même, il dit là. Il dit, là, je ne suis pas un chrétien. Il y a un pourcentage de chrétiens, mais tout le monde, c'est des chrétiens. Mais il y a une partie de chrétiens. Un tas, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est les chrétiens ou c'est le laïc? C'est un doute, écarte-toi. Qala, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. قال وكون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفاد بنفسه لا بسبب لا بنسبه نعم لأن بعض الناس يفون غا أنهم يدي سيد أهل الكتاب on a dit al kitabi c'est celui qui suit son din il suit maintenant le yahoudia ou le nasrania c'est pas une chose qui héréditaire là c'est comme le musulman maintenant on connaît نحن une personne il a une famille musulmane لكن lui c'est un mushrik. Il égorge pour les tombes, maintenant. Lakin, il se prête un musulman. Il se dit, je m'appelle Mohammed, je fais salat, je suis un musulman. Lakin, on sait qu'il égorge pour les tombes. Est-ce qu'on va dire là, c'est Zabihad un musulman, on mange là. Même s'il dit que c'est un musulman. L'anaf al-Hakika, c'est pas un musulman, c'est un mushrik. Il égorge pour autre qu'Allah. Hakad al-Kitab. Kitabi, il se prétend Kitabi, lakin, s'il croit pas, s'il croit pas en la Torah, en l'évangile, il croit pas en son rasoul, min ayn lahu san kitabi. C'est un mulhid, min al-mulhidi. Cheikh l'Islam, il te montre, an al-Kitabi, c'est par rapport à lui, est-ce qu'il suit din amla. Et en France, nous, on sait que aktharhum, même l'église, ils l'ont lâché, ils ne font plus rien. Mulhid, c'est des mulhidoun, 100%. Illa al-qalil. Illa al-qalil. Qal, hada, intahayna min kalam Cheikh l'Islam. Fait tout ça, la chèque, Anna, les doutes ils augmentent. La chèque, personne ne peut dire là. L'amr il est clair. C'est halal. Abadan. Abadan. Si on rajoute à la zalik, comme on a expliqué tout à l'heure, Anna, ils ont trouvé min hadihi dajjal, soi-disant qui vient d'Ahl al-Kitab, avec la tête. La chèque, il y a quelque chose qui ne va pas. كما قال الشيخ الفوزان قال حفظه الله قال الإلحاد والتحلل من العهد الدينية والأحكام الشرعية قد غلب على الناس الشيخ الفوزان يكونكلو يتدي أن الإلحاد le délaissement du dîn il s'est propagé là tu peux pas faire confiance à tout le monde في هذا الباب قال وفي هذا الزمان في هذا الزمان وقلت الأمانة والصدق فلا يعتمد على الأقوال على أقوال هؤلاء المتصدرين لهذه اللحوم ولا على كتاباتهم على ظهر أغلفتها لأنها ذكيت على الطريقة الإسلامية الشيخ الفوزان يدي في attention لأن الآن الدين اللي قليل عند اليهود والنصارى حتى ceux qui se prétendent أهل الكتاب il a aucun lien avec دين أهل الكتاب فالشيخ الفوزان يدي في attention ولو s'ils écrivent sur l'emballage ça a été sacrifié selon le rite islamique fais attention fais attention قال لا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع Shafouzan dit on a déjà entendu des témoignages qu'ils ont trouvé ce Dajjal qui a été sacrifié sur le rite islamique, il vient mener à l'Kitab, il y a la tête, il y a le cou, il n'a même pas été égorgé. Min ayn hada. Ça montre leur kadhib. Qala lam yuqta شيء من رقبته كما وجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما لا يحتاج إلى ذكاء كالسمك كذلك ils ont trouvé certifié halal ou sacrifié selon les rites islamiques sur le poisson. Après le poisson c'est du kadib, il n'y a pas besoin de ça. Un poisson, ça ne se sacrifie pas. Le poisson, il est halal, mutlaqan. Tu le pêches, il meurt, on le mange. Ça montre à Nahaoula, ils ont du kadib. Fashir Fawzan, il te montre, écarte-toi de tous ces doutes. Qala, mimma yadul ala anna hadhi al-kitaba innama hiya ibara an di'ayat. Makdouba. أو عندي آية نعم مكذوبة يقصد بها مجرد ترويج هذه اللحوم وابتزاز الأموال بالباطل نعم يا جماعة كما تعلمون يا نوج إيكونوميك إنو تأمل أنت une société elle a le marché saoudien ou elle a le marché au Maroc, en Algérie, au Maghreb, en Indonésie. C'est des milliards qui sont en jeu. C'est des milliards. Là, chaque année, il y a des personnes qui se permettent d'autres choses, des choses, ils mentent. Et on vous a dit le scandale qu'il y a en ce moment, ils ont trouvé des viandes, c'était certifié bœuf. Ils ont fait des recherches, c'est du cheval. Comment tu vas faire confiance à Aoula? Et tu délaisses les choses claires. Al-Khatima. On conclut à Al-Kalima. On fait un mukhtasar de tout ce qu'on a vu. Anna luhuma al-kitab, elles sont de trois catégories. La première catégorie, on a dit halal bil ijma. Aïe, c'est un kitabi. Aïe, c'est un kitabi. Il a sacrifié selon le rite islamique, il a dit bismillah. Ça, c'est halal. Il n'y a aucun doute. Deuxième qism, catégorie, haram. Aïe, on sait que ce kitabi, il n'a pas dit bismillah, ou il a dit, il a nommé autre qu'Allah, ou il n'a pas égorgé cette bête. Ça, c'est haram. Troisième catégorie, les doutes. On ne sait pas, on n'a pas d'informations sur la méthode. Est-ce qu'il a dit bismillah ou pas? Est-ce qu'il a égorgé ou pas? C'est ça le khulasa. Et on a démontré que certains pays, eux-mêmes, ils ont admis annahum, ils tuaient la bête, pas selon le rite islamique. La chaque annahada, ça renforce anna la personne, il s'écarte minhada. Et il préserve son dîn. Il préserve son dîn. T'as pas besoin de hadi l'luhum. Akhi, comme, al-an, il y a des boucheries, haqq al-muslimin. Hatta fil muslim, et ahiyanan, t'entends des trucs bizarres. Fil muslim, t'entends des trucs bizarres. Ah ben, donc, haoula, ils ont plus de dîn. Ils n'ont pas de sitq, ils n'ont pas d'amana. Ils n'ont pas d'amana. Fama balouk, ils ont réussi à faire croire pendant des années que c'est de la viande de bœuf, c'est du cheval. Hada, abadan, tu lui fais confiance. Hada, khulasat, hadi al-kalima. Al-muslim, il hafid ala din. Hafid ala din. Wala taghtar, la choubha que ba'dan nas, il propage, il ne faut pas de tachaddud. Il y en a ba'dan nas, il dit, il ne faut pas de tachaddud fi hada. Allah, il nous a halal les viandes d'ahl al-kitab, il ne faut pas exagérer. Abadan, on n'exagère pas, on a des calams d'ahl al-ilm. Al-an, les recherches de Cheikh Fawzan, c'est de l'exagération. Abadan, toi-même, tu vois l'actualité, il te dit, je t'ai menti pendant des années, du bœuf, c'est du cheval. Il n'y a pas d'exagération, sous nos yeux, on le voit qu'il nous ment. Ya akhi, préserve ton dieu. Kadhalik, une autre mas'ala, il ne faut pas croire à celui qui vit fi bilad al-kuf, c'est une daroura pour lui. Ba'dan nas, ils ont cette fikra. Il dit, moi, j'ai pas le choix, je mange cette viande. Abadan. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية يشق عليه تحصيل اللحوم المذبوحة على الوجه الشرعي فهذا ونحوه لا يسوغ في أكل اللحوم المحرمة ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين أبدا أنت با مضطر Si tu ne manges pas ce poulet, tu ne vas pas mourir. Tu ne manges pas de viande, tu ne vas pas mourir. Tu peux manger du poisson, tu peux égorger toi-même, tu peux acheter vers un musulman. Enfin, il n'y a pas d'itterar. Abadan. Il y a une nécessité, darura, nécessité vitale. Abadan. Cheikh Ibn Baz, bi ijma' al-muslimin. Qala fa yanbaghi at-tanbih li hadha al-amr wal hadar min at-tasahul alladhi la wajha lahu. Ça c'est un rad, ceux qui disent, mais vous exagérez. Abadan. Cheikh Ibn Baz, yaqul yanbaghi at-tanbih, tu dois faire attention. Et pas de tasahul. Ne te laisse pas aller. Tu vis dans un monde où il y a beaucoup de kaza, il y a beaucoup de makr, il y a beaucoup de khida. Il y a des enjeux économiques énormes. Wa'adna, s'ils s'autorisent des choses. Ala hasab dinik, la yubalou. Il ne faut pas que tu sois au milieu de tout ça et tu as une rafla. Abadan. Tu fais attention et tu préserves ton din. Kadhalik, wa'adna. Si tu lui montres hada al-kalam, il va être convaincu. Ala al-aqal, il aura des doutes. Bardanas, pour te repousser, il va te dire quoi? Mais Cheikh Fulan, il a dit. La taghtar bi hadha al-kalam. Ibn Abd al-Barr, al-Imam, rahimahullah, naqala al-ijma' anna al-khilaf, c'est pas une hujja. il te dit ouais mais Cheikh Foulan il a dit. Là, c'est pas ça le masala, c'est pas Cheikh Foulan ou Cheikh Foulan. La masala c'est est-ce que tu as des preuves que c'est halal ou c'est haram. Si on n'a pas de preuves halal ou haram, on a des doutes, on s'écarte des doutes. Amma tu dis Cheikh Foulan, nous on va dire Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Humayd, Cheikh Abdelaziz Al-Rashid, Cheikh Al-Albani, Cheikh Mokbil, Cheikh Yahya, Cheikh Radihi, Cheikh. Là, c'est pas ça le masala. C'est pas masala que tu as un savant ou deux avec toi, le masala c'est est-ce que tu as le haq avec. والله الحمد لله فين كلمة avec les frères في المعاملة الصحيحة عند الخلاف بين العلماء والله الحمد لله فيست كلمة on avait détaillé هذا فالخلاص من هذه البلوى هاي pour s'écarter de cette بلوى cette fitna الآن هاي c'est viande فأولا يا أخي الهجرة tu veux t'écarter de ces machins quitte ces pays de kuffar il y en a ceux qui vivent dans pays de kuffar ils sont confrontés à ça أكثر. Quitte ce pays de kafir, tu vas dans un pays musulman, Allah yafta alayk, et tu manges, et anima al muslim. Le boucher musulman, t'as pas à te poser la question. Fi hada al hal, c'est l'exagération. Matalan wahed, il arrive dans un pays musulman, il y a un boucher musulman, il est connu dans le quartier, c'est lui qui vend la viande. Il vient, il dit là, je veux des preuves, qui dit bismillah, là, ça c'est du rouleau. C'est du rouleau, les annal asl fil muslimin, c'est que tu manges. Sauf si on a une preuve. Wahed, il vient, il nous dit, je l'ai vu, il a pas égorgé, il a assommé, il a. Et hada al hal, on voit. أما الأصل سك سحلال عند المسلمين. فسي تبغى تكارتي تسوي بروبلم الهجرة. Et ça montre, cette masala فقط, c'est une des causes que le musulman doit faire la hijra. Al-lahm فقط. ما بالك toutes les masaïb qu'il y a هناك. كذلك, الخلاص من هذه المشكلة, c'est que tu manges la viande des musulmans. Et tu t'écartes des doutes, et بإذن الله, تستريح. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a oublié de citer les références. Les références, c'est l'At'ima. Kitab. Vous avez remarqué, la plupart du Bahth, il reposait sur Kalam Cheikh Al-Fawza. C'est un kitab tayyib. Al-At'ima. Wa ahkam al-sayd wa al-dhaba'ih. Il a cité كثير من الكلام. كذلك كلام شيخ الألباني في السلسلة. كذلك كلام الشيخ عبد العزيز بن باز كنا سيتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام ابن حميد كذلك يعني بحث لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية اللي بروباجي سان بحث طيب كلام شيخ عبد العزيز الرشيد اللي هناك ابن حميد وكثير من أهل العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين.